Bonjour à tous. En France, il devient difficile d'avoir une opinion sur un sujet en relation avec l'islam, l'immigration ou les communautés sans tourner au mélodrame de bas étage, insultes, menaces et déchirements. Il révèle chaque fois un peu plus la fracture dans la société française. Une jeune candidate dans l'émission The Voice, Ménel Iptissen, avec un visage d'ange et une voix charmante, s'est faite rattraper par ses publications sur les réseaux sociaux. Les médias, y compris alternatifs, ont souvent résumé cette affaire à 2-3 tweets sur Tariq Ramadan ou les attentats de Nice. Mais un examen un petit peu plus scrupuleux confirme la nature de son engagement idéologique auprès d'organisations proches des frères musulmans, comme le CCIF, l'ALAB, Baraka City, Hassani Kusen, UOIF. Finalement, bien banal, me direz-vous, dans une Europe islamisée. Au nom du vivre ensemble et de la non-division, ces chantres de l'antisémitisme affirment et se retrouvent à défendre une jeune fille aux côtés de leurs pires ennemis. Mais pourtant, les organisations qu'elle défend se positionnent objectivement comme les ennemis de la France. L'argument fallacieux avancé par ses défenseurs qui affirment que ces organisations ont pignon sur rue et donc les rendraient respectables sont les mêmes qui ne cessent de pester contre le CRIF, la LICRA, le BNVCA. Cette jeune fille n'est certainement pas responsable de la situation dégradée entre les différentes communautés. Mais elle fait les frais de la situation explosive et de la fracture qui s'agrandit dans la société française. Ses choix idéologiques en font, à mon sens, une ennemie de la France, comme les personnes qu'elle soutient. Les frères musulmans ne sont pas nos amis, et leur projet de domination mérite d'être combattu autant que le projet sioniste, car il existe bien un projet. Ni sionisme, ni islamisme. Nous sommes nombreux à ne pas céder, ni se soumettre à l'un ou l'autre. Qu'elle soit consciente ou non, 22 ans quand même. Comme certains l'affirment, les idées traduisent son engagement, et cette mouvance idéologique est inacceptable de mon point de vue. Je ne demande pas sa tête, c'est pas mon propos. Et même TF1 aurait pu la conserver dans sa liste des candidates. Mais cette dernière, elle a préféré se retirer d'elle-même. On sait aujourd'hui que la production met en garde tous les candidats et leur demande de nettoyer leurs comptes sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Un oubli? Ou au contraire une façon délibérée de laisser ce type de publication qui serait forcément découverte et provoquerait un tollé? Si on avait voulu démontrer une nouvelle fois la prétendue islamophobie des Français, on n'aurait pas pu s'y prendre mieux. Comme après l'affaire du Burkini à Nice, avec un paparazzi présent au bon moment, où le restaurant a tremblé en France avec ses femmes qui vont manger très loin de chez elles pour aller débusquer un restaurateur dont les positions politiques sont connues. Mais chut, n'y voyons pas là l'ombre d'un complot. À chacune de ces affaires, c'est le prisme racial ou culturel qui est le moteur principal. Cela, ça me rappelle aussi l'affaire Théo, où les mêmes acteurs s'empressaient de défendre les mensonges d'une racaille sans avoir de recul. Le comble de ces personnes qui hurlent contre la censure et qu'ils font fi sur le fait que les véritables censeurs sont de leur côté et pas du nôtre. C'est toujours nos soi-disant alliés qui nous plantent dans le dos. Puisqu'ils accordent à cette jeune femme le droit de s'exprimer et de prendre des positions politiques qui ne nous empêchent pas de faire de même, en toute logique. Pour ma part, je suis un sincère défenseur de la liberté d'expression et je ne fais taire personne ou n'appelle à museler qui que ce soit, contrairement à ces pseudo-organisations. J'ai toujours défendu le droit de tous à pouvoir s'exprimer, même avec mes ennemis déclarés qui n'hésitent pas d'ailleurs à s'en prendre à ma personne à la première occasion. Les mêmes qui prouvent une improbable unité et qui se traduit dans les faits par une soumission à leur diktat. La liberté de penser, c'est la liberté d'opinion et la liberté de les défendre. Le combat politique est une reconquête des esprits. Alors à vos plumes et à vos caméras. Mais le voile se lève à chacune de ces affaires et les positions des uns et des autres doivent s'affiner. Défendre un partisan de l'islamisme et ensuite s'autoproclamer patriote est une contradiction majeure. Le grand écart idéologique va finir par vous déchirer. Seule la cohérence survivra. Ciao.